Stop! Stop, fais pas ce cynisme là. Non! Non, je ne suis plus une enfant. Mais tu veux le mieux pour moi. Allez! C'est ça, allez! Laissez tomber! Stop, non! Ce n'est plus...